Eh bien voilà, ça devait arriver, c'est encore moi, Necromonger. Vous êtes bien sur l'Esprit Libre, l'émission de Ludovic Obeuf, la numéro 28. Ça devient presque comme une petite habitude de se retrouver ensemble régulièrement. Vous, je ne sais pas, mais moi j'aime bien ça. Je ne vais pas vous obliger à aimer l'émission, mais tout de même, vous pourriez faire un effort. Je vous invite même à la partager si vous n'avez rien à faire de particulier. Il faut se rendre à l'évidence, on est des amateurs de la navigation radiophonique. C'est comme des armateurs, mais sur les ondes musicales gratuites. Donc, nous vous proposons de voguer, pour commencer, en compagnie de Jacques Higelin avec le titre Boxon de 1974, Ange, Ces gens-là, de 1973, une reprise assez emblématique de Jacques Brel. Et on se retrouve après. Je me suis planté là par hasard un beau soir de dèche. Blouse au cul, le cœur gros et le gosier à sec. Couché sur le trottoir, un paquet de pauvres mecs et une super panthère qui te propose son beefsteak. Dans le boxon, boxon, où est-ce que tous les paumés vont? Boxon, boxon. L'escalier, c'est de se gaufrer les frangines. Le poing dans la vitrine et le doigt sur le flipper. Dans ce bastringue d'enfer, t'es comme un rat dans l'usine. Y'a le club des pensionnaires pour l'entretien des machines. Oh, boxon, boxon. Que tous les paumés sont Baxon, Baxon, Baxon. Au fond du lupanar vautré sur un stock de pneus, un trio de ringards massacre un rock de banlieue. Arrache le mégot comme on défonce un klaxon. C'est le genre de tango qui fait bander la patronne. De ce boxon, boxon, où ce que tous les paumés vont. Boxon, boxon. Je tenais plus de pouce sur mes cannes. V'là que je me farcis de ploucs qui frimaient sur leurs bécanes. C'est plus de quoi j'avais l'air pour qu'ils pensent à me braquer. Pas le temps de revoir ma mère que déjà j'étais retourné. Oh, dans le boxon, boxon. Matin dans l'église qui roupirait comme une que chez ces gens-là, on ne pense pas, monsieur, non, on ne pense pas. On prie. Et puis il y a l'autre, des carottes dans les cheveux, que jamais vu un peigne, qui est méchant comme une teigne, même qui donnerait sa chemise à des pauvres gens heureux. Qu'a marié la Denise, une fille de la ville, enfin d'une autre ville. Et que c'est pas fini, qui fait ses petites affaires avec son petit chapeau, avec son petit manteau, avec sa petite auto. Ça va saigner du vestibule, pas le temps d'accrocher son oreillette sur le cintre. Là, on va partir sur Frank Zappa avec le titre Willie the Pimp de 1969, que suivra Sweet Smoke avec le titre Baby Night de 1970, et puis enfin Johnny Winter, Highway 61 Revisited de 1969, qui est une reprise de Bob Dylan. Mais seulement dans 20 minutes. Je vous explique vite fait ce qui va se passer avant. En gros, ni plus ni moins que l'apocalypse. Je crois n'avoir jamais entendu un truc pareil de ma vie depuis ce morceau et ce groupe, et cette folie dévastatrice, lancinante et hypnotique. C'est presque digne d'un Technival des années 70 si ça avait existé. Vous allez subir 20 minutes de la basse à Yannick Top dans la gueule. Comme ça vous saurez pourquoi qu'on gueule. Avec le titre Defutura de Magma de 1976. Maintenant, tout de suite, et on se reconnecte après tout ça. We'll be right back. ma Suzanne. Got a little lady walk that street, telling all the boys it's a great beat. $20 bill, I can sit you straight. Meet me on the corner, boy, don't be late. Man in a suit with a bow tie neck, wanna buy a truck with a day party check. Standing on the porch of the Lido Hotel, bluesies in the lobby love the way I sell. I think I rat, I can't, I can't, I We'll be right back. Hey! no clothes. Asked poor Howard where can I go. Howard said, man, ain't but one place I know. And Sam said, tell me quick, man, I got to run. Boy, Howard just pointed with his gun and said, that way down Highway 61. Telephones that will not ring. Tell me, man, where I can get rid of these things. And Louis the King said, wait, let me think for a minute, son. And we said, yes, I believe it can be easily done. Just take everything down the Highway 61. Much too white. He said, come here, step into the light. He said, yes, you're right. Wanna tell a second mother this has been done. But then the second mother was with the seventh son, and they were both out on Highway 61. Type of thing before, but yes, I believe it can be very easily done. Just put some bleachers out in the sun and have it out on Highway 61. Dernière partie de l'émission, les amis, et pensez au slogan du gouvernement pour l'hiver, je baise, j'enfreins, je détale. Non, c'est pas ça? Ben pourtant, ou alors je sais, mes années de jeunesse à lutter contre la dyslexie n'ont servi à rien. Ce faux slogan convient en tout cas peut-être mieux aux exactions des protagonistes de la playlist suivante. Nous vous laissons immédiatement avec ce que Ludovic nous a concocté, Nirvana et Territorial Piercing de 1991, un titre de Metallica avec Fuel de 1997, les Guns N' Roses avec You Could Be Mine de 1991, et enfin The Offspring avec le titre Génocide de 1994. Voilà. Together. if you saw what goes inside our own. I bet you lead the way if we're up to your design. Et bien sûr que non, c'est pas tout à fait fini, vous le savez bien, le fameux titre bonus, cher au format de notre ami Ludo, et celui-là est de mon choix. Il est The Bluesman, qui a influencé la plupart des groupes de rock et de blues rock des années 60 et 70. Ce titre a été repris de nombreuses fois, dont les Red Hot Chili Peppers, dont on peut estimer que leur nom en est directement inspiré. Donc je vous propose Robert Johnson avec le titre The Red Hot, un titre de 1937. De toute façon, c'est pas très compliqué avec Robert Johnson, il a tout enregistré les deux dernières années de sa vie, c'est-à-dire 37 et 38, voilà. Et surtout, n'oubliez pas la phrase fétiche de Ludo, que la musique soit avec vous et avec votre esprit. Amen. Et à très bientôt, j'en suis sûr. Hot the mother than the red hot, yeah, she got him a sale. Hot the mother than the red hot, yeah, she got him a sale. She got 2 foot nickel, got 4 foot dime. Won't say more, but they ain't none of mine. Hot the mother than the red hot, yeah, she got him a sale, I mean. Yeah, she got him a sale, yes, yeah. Hot the mother than the red hot, yeah, she got him a sale. Hot the mother than the red hot, yeah, she got him a sale. I got a letter from a girl in the room. Now she got some good she got to bring on soon. Now it's hot the mother than the red hot. Yeah, she got on for sale, I mean. Yeah, she got on for sale, yeah. Hot the mother than the red hot. Yeah, she got on for sale. Hot the mother than the red hot. Yeah, she got on for sale. It's too hot for the billy goat back in the bone bean nest. Ever since daddy can't take his rest, yeah. Hot the mother than the red hot. Yeah, you got on for sale, I mean. Yeah, she got on for sale. Hot the mother than the red hot. Yeah, she got him a sale. Man, don't mess around him, hot the mother. Now, cause it's too black bad. Mess around him, hot the mother. I'm gonna upset your back, gonna put your kidney to sleep. I'll do the bread when you're living there, your heart to beat by my. Hot the mother's cause the red hot. Yeah, she got him a sale, I mean. Yeah, she got him a sale, yeah. Hot the mother than the red hot. Yeah, she got him a sale. Hot the mother than the red hot. Yeah, she got him a sale. Dire que pour ma part, toute l'émission a été enregistrée dans un endroit secret de ma maison qui est très peu usité et très peu connu. Oui, je parle bas. Même ma femme ne le connaît pas vraiment comme moi. C'est un peu comme le grenier de Ludovic, mais avec une senteur et un fumet un peu différents. Le lieu respire également une tranquillité innovante et régénératrice, une atmosphère et une ambiance sereine. Je ne peux en aucun cas vous dévoiler ce lieu. Il restera un mystère. Voilà, juste un indice. C'est un endroit où on recharge autant les batteries qu'on les vide. Voilà. Bonne continuation à vous.